Chapitre 5. Détruisez ce temple, la révolution de Jésus. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, une scène décisive se joue dans le parvis du temple de Jérusalem. Jésus vient de chasser les marchands et les changeurs de monnaie. Les chefs religieux indignés lui demandent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Sa réponse est stupéfiante. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Ses interlocuteurs croient qu'il parle du bâtiment. L'évangéliste Jean précise « Il parlait du temple de son corps. » Cette parole est l'une des plus radicales de toute la tradition religieuse abrahamique. Elle déplace le centre de gravité du divin. Le lieu de la présence de Dieu n'est plus un bâtiment en pierre, c'est un corps vivant. Le corps comme Naos, le Saint des Saints. Paul reprend et développe cette révolution dans sa première lettre aux Corinthiens. Il n'utilise pas n'importe quel mot grec pour désigner le temple. Il emploie Naos qui désigne spécifiquement la partie la plus intérieure du temple de Jérusalem, le Saint des Saints, l'espace où résidait la présence divine, là où seul le grand prêtre pouvait entrer, une fois par an. Ne savez-vous pas que vous êtes le Naos de Dieu? 1 Corinthiens 3:16. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration structurelle. Si le corps du croyant est le Saint des Saints, alors le lieu du service divin véritable n'est pas un bâtiment que l'on quitte après le culte du dimanche. C'est la vie entière, exercée dans toutes ses dimensions, à toute heure, dans tout lieu, par toute personne qui porte en elle ce temple vivant. Ce qui se passe dans les assemblées institutionnelles. Ce déplacement théologique a une conséquence directe sur la question qui nous occupe. Si le culte véritable est la vie entière, alors ce qui se passe dans les assemblées dominicales n'est pas le culte dans son sens le plus profond. C'est quelque chose d'autre, un espace de partage communautaire, d'édification mutuelle, de renforcement des liens entre personnes qui partagent une même foi. Ces échanges sont précieux, ils ne sont pas moins importants pour autant, mais fonctionnellement, ce sont des échanges entre êtres humains. Et comme tous les échanges entre êtres humains qui ont de la dignité, ces échanges doivent être équitables. Quand quelqu'un apporte sa compétence professionnelle à ces échanges, cette compétence mérite d'être reconnue à sa juste valeur. Leçon 5. Jésus a déclaré que le vrai temple est son corps. Paul a étendu cette déclaration à tous les croyants. Naos, le Saint des Saints. Le service de Dieu n'est pas une activité dominicale dans un bâtiment, c'est la posture de toute une vie. Ce qui se passe dans les assemblées institutionnelles, ce sont des échanges humains communautaires qui doivent être équitables. Les qualifier de service divin pour en extraire le travail gratuit est un détournement de cette révélation.